France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. S'était-il éloigné de Port-Royal ou avait-il été rejeté par Port-Royal ? Fit-il preuve d'une fidélité courageuse à ses maîtres de Port-Royal ? Des siècles après, les questions se posent encore sur l'itinéraire personnel, spirituel de Jean Racine. Racine, l'homme de théâtre, milieu qui horrifiait sa tante religieuse, qui rêvait pour lui d'un emploi honnête. Mais aussi Racine, le prosateur, oui, qui commença donc par la prose, polémique, et puis écrivit des vers assez complaisants. Anthologie française s'en faisait l'écho sur la chaîne nationale le 11 juillet 1962. Anthologie française. Ce soir, Racine prosateur 1639-1699. Une émission composée par Jean de Berre et réalisée par Georges Gravier, avec le concours de Marie Déa et Pascal Mazotti. Prise de son Max Mégy, assistante Denise Simansky. Je ne vais pas vous raconter la vie de Jean Racine, il en a déjà été parlé ici et vous savez tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Si nous y revenons ce soir, c'est beaucoup à cause de lui et un peu à cause de Pascal. Pourquoi le cacher ? Le centenaire de Pascal est un de ces événements qui grisent l'intelligence et la forcent à rêver, étrange destinée de la faculté qui paraît la mieux défendue contre les incertitudes et les imprécisions du rêve. On ne pouvait pas mettre plus d'intelligence au service de la passion, on ne pouvait pas mettre plus de passion au service de l'intelligence. Ce faisant, Pascal a forgé la prose française moderne, qu'elle abîme entre la phrase mesurée, large, raisonnable de son contemporain Descartes et le dynamisme impérieux de la phrase pascalienne. On croit sentir en elle l'évidence soudaine de la circulation du sang, dont vous savez qu'elle venait d'être démontrée par Harvey. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler ici combien, dans sa massive tranquillité, la pensée cartésienne était plus originale que celle de Pascal. Celle-ci vaut surtout par sa volonté de persuader. Elle s'adresse à tous les sens à la fois, elle prétend se moquer de l'éloquence, mais elle ne s'en moque pas du tout. Et c'est tout au contraire de la raison qu'elle se moque. « Si tu veux croire, jette-toi à genoux », s'écrit-il. Pascal jette tout son génie et toute son intelligence au service d'une cause passionnelle, qui avait non jansénisme, mais ce nom recouvrait un problème qui n'a pas cessé de nous agiter, celui de l'inquiétude humaine. Au catholicisme officiel, installé dans sa certitude militante, Pascal, au nom de ses amis, revendiquait passionnément le droit à l'angoisse. Ce bref rappel est indispensable pour situer notre Jean Racine, car c'est là, on n'en peut pas douter, qu'il a appris à écrire. Consultez les dates. Il a vécu à Port-Royal, et à Port-Royal même, les années exaltantes qui, de 1656 à 1658, ont vu naître l'une après l'autre les lettres à un provincial qu'on s'arrachait comme un feuilleton. La brûlure de cette prose inconnue, de cette langue corrosive, alerte, colorée, et ce quelque chose qu'on n'avait encore jamais rencontré, l'ironie supérieure dans la polémique, comment la jeune et vive intelligence du jeune homme ne serait-elle pas excitée par ce spectacle et frappée au point que ses premières impressions ne s'effaceront plus, en dépit de quelques brèves apparences. Après tout, dans ses 60 ans de vie, il en a consacré 13 au théâtre, pas plus, mais le reste. Il ne faut surtout pas croire qu'à ses yeux, le temps des beaux vers a été la période la plus glorieuse de sa vie, tant s'en faut. Écoutez ce que le 3 juin 1693, 14 ans après Phèdre et au lendemain d'Athalie, il écrivait à son fils Jean-Baptiste. Vous me faites plaisir de me rendre compte des lectures que vous faites, mais je vous exhorte à ne pas donner toute votre attention aux poètes français. Songez qu'ils ne doivent servir qu'à votre récréation et non pas à faire votre véritable étude. Ainsi, je souhaiterais que vous prissiez quelquefois plaisir à m'entretenir d'Homère, de Quintilien et des autres auteurs de cette nature. Quant à votre épigramme, je voudrais que vous ne l'eussiez point faite. Outre qu'elle est assez médiocre, je ne saurais trop vous recommander de ne vous point laisser aller à la tentation de faire des vers français, qui ne serviraient qu'à vous dissiper l'esprit. Surtout, il n'en faut faire contre personne. Monsieur Despréaux a un talent qui lui est particulier, et qui ne doit point vous servir d'exemple, ni à vous, ni à qui que ce soit. Il n'a pas seulement reçu du ciel un génie merveilleux pour la satire, mais il a encore avec cela un jugement excellent qui lui fait discerner ce qu'il faut louer et ce qu'il faut reprendre. S'il a la bonté de vouloir s'amuser avec vous, c'est une des grandes félicités qui vous puisse arriver, et je vous conseille d'en bien profiter en l'écoutant beaucoup et en décidant peu avec lui. Je vous dirai aussi que vous me feriez plaisir de vous attacher à votre écriture. Je veux croire que vous avez écrit fort vite les deux lettres que j'ai reçues de vous, car le caractère en paraît beaucoup négligé. Que tout ce que je vous dis ne vous chagrine point, car du reste je suis très content de vous, et je ne vous donne ces petits avis que pour vous exciter à faire de votre mieux en toute chose. Croirait-on se trouver devant notre premier poète de théâtre? Vous n'y trouveriez certes plus la féroce ironie pascalienne, c'est que plus de 30 ans ont passé depuis la mort de Pascal, et que les affaires ont marché dans tous les sens du terme. Le jansénisme a évolué, le roi aussi, et Racine. Mais Racine, c'est bien de Pascal qu'il est parti. Je voudrais vous en apporter un témoignage difficilement récusable, une des toutes premières lettres que nous possédions de lui. Sinon la première, alors que le jeune homme est encore un élève, et non seulement par son sujet, mais surtout par le ton qu'elle emploie, si proche du ton des provinciales, qu'il faut la relire ensemble ici. Vous y discernerez une certaine gaucherie dans l'expression et une forme un peu élémentaire du pastiche, mais on y respire, en même temps que l'air de Port-Royal, l'admiration fervente pour le style des provinciales. La lettre est du 26 janvier 1659, Racine à 19 ans. Il faut, monsieur, que je vous fasse part des belles choses que nous vîmes et entendîmes hier. Nous arrivâmes justement comme on allait commencer le catéchisme. Il y avait un très grand nombre de gens. Nous fûmes néanmoins assez bien placés. Le mal est qu'il en a coûté à chacun un sou marqué pour des chaises. Il y avait de grands préparatifs. Un Jésus dans la crèche, des anges, des bergers et des innocents. Ainsi, nous vîmes bien que ce catéchisme était un de leurs plus solennels. C'était même l'anniversaire de celui dont on leur parla l'année dernière dans la 10e provinciale. Ils n'en sont pas devenus plus sages, car vous allez voir qu'ils ont fait incomparablement plus de sottises en celui-ci qu'en l'autre. Racine est alors élève au collège d'Harcourt où il fait sa philosophie, et il écrit à Robert d'Andilly, qui n'est autre que le frère de la mère Angélique, qui à 70 ans passés figure quelque chose comme le patriarche de Port-Royal. Vous voyez que Racine est dans les meilleurs termes avec lui et qu'il vole dans le sillage de Pascal. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en pleine provinciale. Dès que le père fut entré, il demanda beaucoup d'attention à ses auditeurs, leur faisant entendre que tout ce qui s'allait dire n'était pas seulement pour des enfants, mais pour les personnes même les plus âgées et les plus savantes. Ensuite, l'empereur parla ainsi. On appelle de ce nom le premier de la classe du catéchisme. « Allons donc, petits innocents, armez-vous, venez combattre les ennemis de Jésus. J'entends ces nouveaux hérétiques de notre temps dont l'erreur n'en veut faire que la moitié d'un sauveur. Donnez à ce monstre autant de coups qu'il a de tête et délivrez-en la crèche de Jésus. » Aussitôt, on vit monter sur des bancs ces valeureux champions qui étaient au nombre de 5, 3 garçons et 2 filles. Le premier coup qu'ils donnèrent portait ainsi. « Oh Jésus, l'aimable et charitable sauveur, faites-nous accomplir vos 5 commandements qui nous sont toujours possibles par votre grâce qui ne nous manque jamais. » « Fort bien, s'écrie le père, car nous autres catholiques, nous soutenons que ces commandements sont toujours possibles et que la grâce ne nous manque jamais, au lieu que les ennemis de Jésus disent que les uns nous sont impossibles et que l'autre nous manque. » Je ne me souviens pas bien en quels termes était conçu le second coup, car je fus diverti de mon attention par l'arrivée d'un père qui nous pensa faire perdre haleine à force de rire, tant son visage avait l'air d'un véritable Escobar. Le premier Racine. Un style qui n'est pas encore très personnel. Mais comment résister au style de Pascal au moment même où celui-ci jette tous ses feux, surtout pour un enfant qui peut être regardé, pour ainsi dire, depuis sa naissance, comme un pur produit de Port-Royal. Sans forcer la note, on pourrait avancer que son cas est même unique, puisque dès l'âge de 2 ans, il s'en est allé pouponner dans les jardins de Port-Royal avec sa tante. Il n'est ni un converti, ni un convaincu, il a grandi, janséniste, il n'a pas eu de point de comparaison. Et cela se marque dans son écriture même. Si nous retenons cette lettre, ce n'est pas seulement à cause de son intérêt historique, ce n'est pas davantage parce qu'elle est un chef-d'œuvre de notre langue, elle ne l'est pas, d'évidence, mais parce que les premières pages que nous ayons de Racine sont de prose. Et que, il faut bien en convenir, sa première prose vaut mieux que ses premiers vers. Il peut bien railler la puérilité du catéchisme des jésuites, les vers que lui inspirent ses doctes maîtres de Port-Royal ne leur cèdent en rien pour la fadeur. Je ne vous citerai pas beaucoup parce que vous crieriez grâce, mais il faut tout de même comprendre, avec objectivité, que les puérilités du catéchisme des jésuites tenaient plus à la mode du temps qu'à une particulière manière de voir. Si leur bergerie faisait ricaner Racine, que dirons-nous des siennes ? Je sais que ces grands édifices que s'élève la vanité ne souillent point la pureté de vos innocentes délices. Non. Vous n'offrez point à nos yeux cette tour qui jusque dans les cieux semble porter la guerre et qui, se perdant dans les airs, vont encore sous la terre se perdre dedans les enfers. Tous ces bâtiments admirables, ces palais partout si vantés et qui sont comme cimentés du sang des peuples misérables, enfin tous ces augustes lieux qui semblent faire autant de dieux de leurs maîtres superbes, un jour, trébuchant avec eux, ne seront sur les herbes que de grands sépulcres affreux. Mais toi, solitude féconde, tu n'as que de saints attraits qui ne s'effaceront jamais que par l'écroulement du monde. L'on verra l'émail de tes champs tant que la nuit de diamants sèmera l'hémisphère, et tant que l'astre des saisons dorera sa carrière, l'on verra l'or de tes moissons. Que si, parmi tant de merveilles, nous ne voyons point ces beaux ronds, ces jets où l'onde par ses bonds charme les yeux et les oreilles, ne voyons-nous pas dans tes prés se rouler sur des lits dorés sans flots d'argent liquide, sans que le front du laboureur à leur course rapide joigne les eaux de sa sueur? La nature est inimitable, et quand elle est en liberté, elle brille d'une clarté aussi douce que véritable. C'est elle qui, sur ses vallons, ses bois, ses prés et ses sillons, signale sa puissance. C'est elle par qui leur beauté, sans blesser l'innocence, rend nos yeux comme enchantés. C'était un poète comme il en existait une quantité d'autres, habile à ciseler les vers comme on l'était alors, mais sans la moindre personnalité poétique. Le voilà, notre propos. Donc, Racine commençait fort bien en prose. Mais sa prose était polémique, alors que sa poésie était complaisance. N'est-ce pas un sujet de réflexion qui mérite de nous retenir? S'il ne nous a pas laissé beaucoup de volume de prose, c'est tout bonnement qu'en ce temps-là, on ne plaisait qu'en vers. Je n'en veux pour preuve que les malheureuses et quelquefois pitoyables gracieusetés dont le pauvre La Fontaine payait les largesses du surintendant Fouquet. Le rapprochement remarqué n'est pas fortuit. L'arrestation de Fouquet n'est que de 61, et la première complaisance officielle de notre jeune lévite, la nymphe de la Seine, est de 1660. Dédiée à la reine, à l'occasion de son mariage avec Louis XIV, elle n'annonce pas davantage le poète prodigieux qui allait surgir brusquement 4 ans plus tard. Il est donc bien clair que le jeune homme était, comme on dirait aujourd'hui, dans la course. Ajoutez à cela qu'il est un peu cousin de La Fontaine, que celui-ci lui donne des conseils qui ne sont pas tous des conseils de témérité, tant s'en faut. Et pourtant, ces deux personnages, qui se signalent d'abord par leur goût un peu irritant de complaire, se montrent à l'usage les plus tenaces, les plus constants et quelquefois les plus courageux. Molière, qui se targuait d'une grande indépendance à l'égard de tous, n'a jamais bravé le pouvoir comme l'a fait La Fontaine. Et nous verrons par la suite que la fidélité de Racine à ses maîtres de Port-Royal, si elle a connu des éclipses, a eu finalement, et jusqu'à la mort, le dernier mot. Mystère des hommes, et particulièrement sans doute des hommes pauvres, qui ont besoin de se faire une place pour vivre, seulement pour vivre. Or, dans ces années 60, on ne fait pas carrière dans les lettres. Pour un Corneille, qui du reste a de la fortune, à qui son théâtre rapporte pas mal d'argent, que de gens riches qui n'écrivent que pour le plaisir, ou pauvres qui n'écrivent que pour toucher une pension. L'ode à la nymphe de la Seine ne rapporte rien à Racine, si quelques relations. Encore l'amitié de La Fontaine y est-elle pour beaucoup. Il rencontre Chaplin, il rencontre Perrault, il est présenté à Pélisson, à Fouquet même. Mais rien de tout cela ne nourrit son âme. Un démon secret déjà le pousse au théâtre, mais outre que ses premiers efforts ne sont pas couronnés de succès, il ne peut pas attendre pour se faire une situation, et c'est dans ces conditions qu'il part pour Uzès. Port-Royal l'a nourri et élevé jusqu'à la fin de ses études, mais celles-ci sont terminées et il est exclu qu'une aide quelconque lui soit donnée pour faire du théâtre. Les choses vont à ce point que quelques années plus tard, à la fin de 1663, c'est-à-dire peu avant la Thébaïde, la mère Agnès de Sainte-Thècle, sa tante, qui est à Port-Royal, refuse de le recevoir. Ayant appris que vous aviez dessein de faire ici un voyage, j'avais demandé permission à notre mère de vous voir, parce que quelques personnes nous avaient assuré que vous étiez dans la pensée de songer sérieusement à vous. Et j'aurais été bien aise de l'apprendre par vous-même, afin de vous témoigner la joie que j'aurais s'il plaisait à Dieu de vous toucher. Mais j'ai appris depuis peu de jours une nouvelle qui m'a touchée sensiblement. Je vous écris dans l'amertume de mon cœur et en versant des larmes que je voudrais pouvoir répandre en assez grande abondance devant Dieu pour obtenir de lui votre salut, qui est la chose du monde que je souhaite avec le plus d'ardeur. J'ai donc appris avec douleur que vous fréquentiez plus que jamais des gens dont le nom est abominable à toutes les personnes qui ont tant soit peu de piété, et avec raison, puisqu'on leur interdit l'entrée de l'Église et la communion des fidèles, même à la mort, à moins qu'ils ne se reconnaissent. Jugez donc, mon cher neveu, dans quel état je puis être, puisque vous n'ignorez pas la tendresse que j'ai toujours eue pour vous et que je n'ai jamais rien désiré, sinon que vous fussiez tout à Dieu, dans quelque emploi honnête. Je vous conjure donc, mon cher neveu, d'avoir pitié de votre âme et de rentrer dans votre cœur pour y considérer sérieusement dans quel abîme vous vous êtes jeté. Je souhaite que ce qu'on m'a dit ne soit pas vrai. Mais si vous êtes assez malheureux pour n'avoir pas rompu un commerce qui vous déshonore devant Dieu et devant les hommes, vous ne devez pas penser à nous venir voir. Car vous savez bien que je ne pourrai pas vous parler, vous sachant dans un état si déplorable et si contraire au christianisme. Cependant, je ne cesserai point de prier Dieu qu'il vous fasse miséricorde, et à moi en vous la faisant, puisque votre salut m'est si cher. Nous allons voir tout à l'heure que cette lettre va précipiter une évolution qui ne se laisse encore que pressentir. Mais revenons à Uzès, non pour y suivre le jeune homme qui se cherche une situation, en l'occurrence un bénéfice ecclésiastique, mais afin de poursuivre notre comparaison. Vous le savez sûrement par les lettres de La Fontaine et par celles de Dassoucy, la mode était alors d'entremêler la prose et les vers dans les récits, et vous allez voir si Racine a fait des progrès dans l'un ou dans l'autre style. Cette lettre est doublement intéressante puisqu'elle nous montre un Racine très détendu, écrivant à une demoiselle, sa cousine, la fille de son oncle Vitard, et par conséquent cherchant à plaire, sans être guindé par la perspective d'une pension. Une vraie lettre, quoi. Elle porte la date du 31 janvier 1662. Que votre colère est charmante, belle et généreuse amarante, qu'il vous sied bien d'être en courroux. Si les grâces jamais se mettaient en colère, le pourraient-elles faire de meilleures grâces que vous? Je confesse sincèrement que je vous avais offensé, et cette cruelle pensée m'était un horrible tourment. Mais depuis que vous-même en avez pris vengeance, un si glorieux châtiment me paraît une récompense. Les reproches même sont doux, venant d'une bouche si chère. Mais si je méritais d'être loué de vous, et que je fusse un jour capable de vous plaire, combien ferais-je de jaloux? Je m'en vais donc faire tout mon possible pour venir à bout d'un si grand dessein. Je serai heureux si vous pouvez vous louer de moi avec autant de justice que vous vous en plaignez. Et je ferai de mon côté un fort bel ouvrage si je savais dire vos vertus avec autant d'esprit que vous dites les miennes. Je ne vous accuserai point de me flatter, vous les représentez au naïf. S'il en est de même de la passion de Monsieur l'abbé, je tiens à qu'il n'ait pas mal partagé. Et quand le portrait de Mademoiselle Lucrèce aurait été fait par le plus habile peintre du monde, il ne saurait sans doute égaler celui que vous faites d'un amoureux en sa personne. Je me l'imagine en effet, tout languissant et tout défait, qui gémit et soupire au pied de cette image. Il contemple son beau visage, il admire ses mains, il adore ses yeux, il idolâtre tout l'ouvrage. Puis, comme si l'amour le rendait furieux, je l'entends s'écrier que cette image est belle, mais que la belle même est bien plus belle qu'elle. Le peintre n'a bien imité que son insensibilité. J'ai peine à croire que vous ayez assez de puissance pour rompre ce charme, vous qui étiez accoutumé à le charmer lui-même autrefois, aussi bien que beaucoup d'autres. Possédé comme il l'est de cette idée, il ne faut pas s'étonner s'il a voulu marier Monsieur Douy à une fille hydropique. Il n'y pensait pas, à moins qu'il n'ait voulu marier l'eau avec le vin. On m'a mandé que ma tante Vitard était allée à Chevreuse pour Mademoiselle Cellier, mais je crois qu'elle n'y sera pas longtemps et qu'elle sera bientôt nécessaire au Faubourg Saint-Germain. Elle ne manquera pas de pratique, s'il plaît à Dieu. Et elle ne se reposera de longtemps si elle attend que vous vous reposiez toutes. Peut-être qu'autrefois, je n'en aurais pas tant dit impunément, mais je suis à couvert des coups. Vous pouvez néanmoins vous adresser à mon lieutenant, M. Douy. Il ne tiendra pas cette qualité à déshonneur. Vous m'avez mis en train, comme vous voyez, et vos lettres ont sur moi la force qu'avait autrefois votre vue. Mais je suis obligé de finir plus tôt que je ne voudrais, parce que j'ai encore 5 lettres à écrire. J'espère que vous me donnerez, en vertu de ces 5 lettres, la permission de finir, et en vertu de la soumission et du respect que j'ai pour vous, la permission de me dire votre passionné serviteur. Vous m'excuserez si j'ai plus brouillé de papier à dire de méchantes choses que vous n'en aviez employé à écrire les plus belles choses du monde. » Elle est charmante, cette lettre. Elle aurait pu être écrite par le premier homme d'esprit venu. Et elle est sans génie, mais elle est charmante. Elle reste bien loin de ce qu'un Rimbaud ou un Musset étaient capables d'écrire au même âge. À 22 ans, Musset composait les Caprices de Marianne et Rimbaud avait achevé toute son œuvre. Mais cette remarque nous mènerait moins loin que celle-ci. La prose est vive, caustique, et les vers sont mauvais. La poésie conventionnelle ne l'inspire décidément pas. Racine n'est pas un écrivain qui s'exprime naturellement en vers. Sa prose est plus combative, et en effet, il aura toujours plus facilement la plume d'un polémiste que celle d'un narrateur. Le jour où il affrontera les grands sujets qui lui conviennent, il deviendra l'immense auteur d'Andromaque, de Britannicus, de Phèdre, en attendant de devenir le grandiose poète d'Athalie. Quelque chose de difficile à définir fait que sa prose se ressentira toujours plus ou moins de ses origines. Je vous ai cité tout à l'heure la lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle, et il est temps de dire pourquoi. Pendant que Racine était à Uzès, Pascal est mort le 19 août 1662. Et dans un certain sens, on peut dire que cette disparition rompt les liens littéraires que Racine pouvait entretenir avec Port-Royal. Il n'est pas encore question de rupture, mais enfin, le rêve du jeune homme, c'est toujours la littérature. Officiellement, la poésie, officieusement, le théâtre. Ces messieurs ne sont pas furieusement portés du côté des belles-lettres, pour autant du moins qu'elles ne sont pas au service de leur cause. Le talent littéraire de Pascal formait une sorte de pont entre elle et l'abbaye. Racine a-t-il su que 6 mois avant de mourir, l'auteur des lettres à un provincial inaugurait la première ligne de transport en commun, dite les carrosses à Saint-Saul, dont il avait eu l'idée et pour laquelle il avait pris une patente, montrant que le souci de ses fins dernières allait de pair en lui avec les plus solides préoccupations matérielles? Ce qui est certain, c'est que du fond de sa province, où il s'ennuie ferme, Racine ne pense qu'à la littérature, et même fort positivement au théâtre. Son échec d'Amasie ne l'a pas guéri, et dès la fin de l'année 1662, il est de retour dans la capitale, et c'est aussitôt pour entrer en contact avec les comédiens, et nommément avec Molière. Comment a-t-il connu Molière? C'est fort simple, et nous n'avons pas à faire d'hypothèse là-dessus, par son cousin, La Fontaine. À la lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle, fait le pendant celle que Racine lui-même écrit à l'abbé Levasseur au mois de novembre 1663. Pour ce qui regarde les frères, ils ne sont pas si avancés qu'à l'ordinaire. Le 4e acte était fait dès samedi, mais malheureusement je ne goûtais point, ni les autres non plus, toutes ces épées tirées. Ainsi, il a fallu les faire rengainer, et pour cela, ôter plus de 200 vers, ce qui est malaisé. La renommée a été assez heureuse. Monsieur le comte de Saint-Aignan l'a trouvée fort belle. Il a demandé mes autres ouvrages et m'a demandé moi-même. Je le dois aller saluer demain. Je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui, au lever du roi, mais j'y ai trouvé Molière, à qui le roi a donné assez de louanges, et j'en ai été bien aise pour lui. Il a été bien aise aussi que j'y fusse présent. Pour mon affaire chez M. de Bourseis, elle est fort honnête et bien avancée, mais on m'a surtout recommandé le secret, et je vous le recommande. M. de Belfond est premier maître d'hôtel depuis aujourd'hui. Le roi a été à Versailles, les Suisses iront dimanche à Notre-Dame, et le roi a demandé la comédie pour eux à Molière. Sur quoi M. le Duc a dit qu'il suffisait de leur donner gros René bien enfariné, parce qu'il n'entendait point le français. Adieu. Vous voyez que je suis à demi courtisan, mais c'est, à mon gré, un métier assez ennuyant. Il est donc engagé corps et âme. Les frères dont il parle, ce sont les frères ennemis, qui sont le titre de sa première pièce connue. Il travaille pour Molière, sous les ordres de Molière. On sait que le sujet lui a été fourni par le comédien lui-même, que la date de création a été fixée d'avance, que la soumission du jeune poète aux volontés de son aîné était bien plus complète que ne le donne à croire la désinvolture dont sa lettre porte la marque. Il est plus facile de jouer à l'indépendant dans une lettre à un vieil ami qu'en face de son futur directeur. Au reste, on ne peut pas se faire une juste idée du départ de Racine au théâtre du Palais-Royal, si l'on a présent quelques éléments de la chronologie à l'esprit. Quand Racine entre dans l'orbite de Molière, celui-ci est en pleine bagarre avec l'hôtel de Bourgogne. Il commence à avoir des ennuis avec les dévots. Décembre 62, c'est l'école des femmes, avec les mines scandalisées que vous savez. Juin 63, c'est la critique de l'école des femmes, la querelle s'envenime. Bourceau entre en piste avec le portrait du peintre et la réplique de Molière en présence du roi dans l'impromptu de Versailles au mois de novembre 1663. Novembre 1663, c'est tout justement la date marquée pour la lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle dont nous venons de parler. Faut-il s'interroger plus au long sur les motifs qui retiennent Molière près de ce jeune débutant? On ne sait que trop que la tragédie ne fait pas recette. Il ne sait que trop bien lui-même que les auteurs de tragédies ne lui font pas risette. Il veut aller battre les comédiens d'hôtel de Bourgogne sur leur terrain. A-t-il véritablement confiance dans le talent de Racine? Je ne rappellerai plus qu'une date, celle du 12 mai 1664, la date de la création du premier Tartuffe et son interdiction immédiate, 5 semaines exactement avant la création de la Thébaïde ou les Frères Ennemis. La conséquence, voulez-vous la connaître? Consultez les registres de Lagrange. Vendredi 20e de juin, première représentation de La Thébaïde, pièce nouvelle de M. Jean Racine. Recette, 370 livres, 10 sols. Le deuxième jour, la recette tombe à 300. Le quatrième, à 130. Pas un chroniqueur ne parle de la pièce, c'est le silence. On a quelquefois dit du jeune Racine qu'il avait admirablement su conduire sa barque. Eh bien, le voilà curieusement embarqué pour l'heure. Foudroyé par Port-Royal pour être venu au théâtre, entraîné dans la réprobation des dévots à cause du Tartuffe, il a, comme on le dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Position excessivement inconfortable, dont Molière se tirera assez bien parce qu'il est un homme en place, parce qu'il a du succès et que, quoi qu'on en dise, le succès impose toujours un peu, même aux adversaires. Il n'en va pas de même pour le malheureux débutant qui est littéralement saqué, pour ne pas dire ignoré, par tout ce qui compte dans Paris et à la cour. Aussi va-t-il réagir, et en prose, parce que la prose est décidément son arme de combat. Il n'est pas dans notre propos de raconter ici les circonstances dans lesquelles sa deuxième pièce, Alexandre, créée d'abord par Molière, puis portée à l'hôtel de Bourgogne, brouillera à mort les deux poètes. Bornons-nous à observer que le jeune écrivain, compromis bien malgré lui dans l'affaire du Tartuffe, saisit au vol l'occasion de quitter le directeur trop compromettant qui lui a fait rater son entrée. Alexandre, moyennement accueilli au Palais-Royal, va au nu chez les comédiens de l'hôtel. Il n'y a plus de ménagement à garder, non seulement il faut laisser tomber Molière, mais il faut se raccommoder avec la faction des dévots. Ce n'est pas moi qui fais le rapprochement, car Alexandre débute chez Molière le 4 décembre 1665. Le 18 du même mois, il émigre à l'hôtel de Bourgogne et au mois de janvier 1666, paraît en librairie la première lettre à l'auteur des hérésies imaginaires, qui est, comme chacun sait, un pamphlet d'une grande violence contre ces messieurs de Port-Royal, et où la férocité le dispute à la mauvaise foi. Le lévite échappé mord cruellement la main qui l'a nourri. Et ce n'est pas sur le terrain de la théologie ou du dogme qu'il se place. Il attaque sur un terrain personnel qu'il connaît bien, pour avoir vécu près d'eux. Et qu'est-ce que les romans et les comédies peuvent avoir de commun avec le jansénisme ? Pourquoi voulez-vous que ces ouvrages d'esprit soient une occupation peu honorable devant les hommes et horrible devant Dieu ? Faut-il, parce que Desmarets a fait autrefois un roman et des comédies, que vous preniez en aversion tous ceux qui se sont mêlés d'enfer ? Vous avez assez d'ennemis, pourquoi en chercher de nouveaux ? Oh, que le provincial était bien plus sage que vous ! Voyez comme il flatte l'Académie, dans le temps même qu'il persécute la Sorbonne. Il n'a pas voulu se mettre tout le monde sur les bras. Il a ménagé les faiseurs de romans. Il s'est fait violence pour les louer. Car, Dieu merci, vous ne louez jamais que ce que vous faites. Et croyez-moi, ce sont peut-être les seuls gens qui vous étaient favorables. Mais si vous n'étiez pas content d'eux, il ne fallait pas tout d'un coup les injurier. Vous pouviez employer des termes plus doux que ces mots d'empoisonneurs publics et de gens horribles parmi les chrétiens. Pensez-vous que l'on vous en croit sur votre parole ? Non, non, monsieur. On n'est point accoutumé à vous croire si légèrement. Il y a 20 ans que vous dites tous les jours que les saintes propositions ne sont pas dans Jansénius, cependant on ne vous croit pas encore. Mais nous connaissons l'austérité de votre morale. Nous ne trouvons point étrange que vous damniez les poètes. Vous en damnez bien d'autres qu'eux. Ce qui nous surprend, c'est de voir que vous voulez empêcher les hommes de les honorer. Et, monsieur, contentez-vous de donner les rangs dans l'autre monde. Ne réglez point les récompenses de celui-ci. Vous l'avez quitté il y a longtemps. Laissez-le juger des choses qui lui appartiennent. Plaignez-le, si vous voulez, d'aimer les bagatelles et d'estimer ceux qui les font, mais ne leur enviez point de misérables honneurs auxquels vous avez renoncé. Et ce n'est pas assez du sarcasme. Il s'y ajoute des anecdotes qu'il prétend tenir d'on ne sait qui et qui pourraient bien être des souvenirs personnels, dont le rappel mettrait le comble à l'ingratitude. Tout de bon, monsieur. Ne vous semble-t-il pas qu'on pourrait faire sur ce procédé les mêmes réflexions que vous avez faites tant de fois sur le procédé des jésuites ? Vous les accusez de n'envisager dans les personnes que la haine ou l'amour qu'on avait pour leur compagnie. Vous deviez éviter de leur ressembler. Cependant, on vous a vu de tout temps louer et blâmer le même homme, selon que vous étiez content ou mal satisfait de lui. Sur quoi, je vous ferai souvenir d'une petite histoire que m'a contée autrefois un de vos amis. Elle marque assez bien votre caractère. Il disait qu'un jour, deux capucins arrivèrent à Port-Royal et y demandèrent l'hospitalité. On les reçut d'abord assez froidement, comme tous les religieux y étaient reçus. Mais enfin, il était tard et l'on ne put pas se dispenser de les recevoir. On les mit tous deux dans une chambre et on leur porta à souper. Comme ils étaient à table, le diable, qui ne voulait pas que ses bons pères soupassent à leur aise, mit dans la tête de quelqu'un de vos messieurs que l'un de ces capucins était un certain père Maillard, qui s'était depuis peu signalé à Rome en sollicitant la bulle du pape contre Jansénius. Ce bruit vint aux oreilles de la mère Angélique. Elle accourt au parloir avec précipitation et demande qu'est-ce qu'on a servi aux capucins, quel pain et quel vin on leur a donné. La tourière lui répond qu'on leur a donné du pain blanc et du vin de ces messieurs. Cette supérieure zélée commande qu'on le leur ôte et que l'on mette devant eux du pain des valets et du cidre. L'ordre s'exécute. Ses bons pères, qui avaient bu chacun un coup, sont bien étonnés de ce changement. Ils prennent pourtant la chose en patience et se couchent, non sans admirer le soin qu'on prenait de leur faire faire pénitence. Le lendemain, ils demandèrent à dire la messe, ce qu'on ne put pas leur refuser. Comme ils la disaient, M. de Bagnols entra dans l'église et fut bien surpris de trouver le visage d'un capucin de ses parents dans celui que l'on prenait pour le père Maillard. M. de Bagnols avertit la mère Angélique de son erreur et l'assura que ce père était un fort bon religieux et même dans le cœur assez ami de la vérité. Que fit la mère Angélique ? Elle donna des ordres tout contraires à ceux du jour de devant. Les capucins furent conduits avec honneur de l'église dans le réfectoire où ils trouvèrent un bon déjeuner qui les attendait et qu'ils mangèrent de fort bon cœur, bénissant Dieu qui ne leur avaient pas fait manger leur pain blanc le premier. Voilà, monsieur, comme vous avez traité des marais, et comme vous avez toujours traité tout le monde. Qu'une femme fût dans le désordre, qu'un homme fût dans la débauche, s'ils se disaient de vos amis, vous espériez toujours leur salut. S'ils vous étaient peu favorables, quelque vertueux qu'ils fussent, vous appréhendiez toujours le jugement de Dieu pour eux. La science était traitée comme la vertu. Ce n'était pas assez pour être savant, d'avoir étudié toute sa vie, d'avoir lu tous les auteurs, il fallait avoir lu Jansénius et n'y avoir point lu les propositions. Voilà un curieux pendant, n'est-il pas vrai, à la première lettre de 1659. Dirons-nous pour autant que Racine a retourné sa veste, qu'il s'est dressé avec les jésuites contre Port-Royal, qu'il brûle ce qu'il a adoré? C'est ce qu'on apprend, hélas, aux enfants des écoles, et c'est ce qu'a retenu la psychologie un peu sommaire des historiens de la littérature. Mais selon nous, c'est beaucoup trop dire. Toute la vie, et surtout la fin de la vie du poète, atteste au contraire une fidélité courageuse à ses maîtres de Port-Royal. Et si ce ne sont pas les historiens qui sont légers, c'est lui, ce que nous n'avons vraiment aucune raison de croire qu'il est. A-t-on le droit du reste d'apprécier le comportement d'un homme autrement que dans les conditions mêmes où il s'est trouvé pour agir? Je sais bien ce que vous allez me répondre, qu'un homme de courage et d'honneur ne fait pas de concessions à ce qu'il considère comme le devoir et la vérité. Et j'en conviendrai volontiers si vous me donnez des exemples de cette idée de l'honneur et du courage. Je ne dis pas seulement au XVIIe siècle, parmi les artistes et les écrivains dont la renommée est venue jusqu'à nous. Il en allait alors comme aujourd'hui. Les auteurs qui se font lire et qui se font jouer ne le font que dans la mesure où ils sont soumis à la mode et aux usages de la réussite. Il s'agit de plaire à ceux qui font la loi, c'est-à-dire aux habiles, aux suiveurs et aux rapaces. Les auteurs soi-disant explosifs qui réussissent bien auprès du public et des puissants sont les malins, qui savent doser juste ce qu'il faut d'audace pour paraître audacieux, sans porter atteinte à rien de sérieux. Ou alors, qui s'arrangent pour n'être pas pris au sérieux. Dans un cas comme dans l'autre, ils se sont laissés rogner les griffes. Pour n'être pas sujet de discorde, laissons de côté les contemporains, qui ne sont du reste pas dans le sujet. Mais disons-nous bien que le XVIIe siècle n'a jamais agi autrement. Quels actes de courage avez-vous à relever? Saint-Simon et sa lettre Louis XIV? Saint-Simon n'a rien publié de son vivant, et il a méprisé la gloire. Fénelon, il a été expédié en exil à Cambrai, sans tarder. Et les autres? Si vous en trouveriez, ou vous en pourriez trouver, parmi les inconnus ou les oubliés, ceux qui ont refusé le prix du succès, et que l'histoire, à son tour, a froidement laissé pour compte. Il n'est pas vrai qu'elle rétablisse la vérité. Le courage littéraire n'est réputé vertu ni chez les vivants, ni chez les morts. C'est un luxe qu'on s'offre pour son plaisir à soi, mais sans la moindre illusion sur sa portée. Le poète se ressent de ses origines, il a été inventé aux premiers âges pour célébrer les hauts faits du maître, les efforts qu'il a faits pour se libérer de cette servitude n'ont trompé que lui. Quiconque ne flatte pas les puissants du jour, prince ou éditeur, dispensateur des biens de ce monde, doit renoncer à la gloire. Et Racine avait des ambitions littéraires. Il n'a pas voulu renoncer à la gloire, pas plus que Corneille, pas plus que Molière, que Boileau, que Bossuet, que La Bruyère, que Mignard, que Perrault. Cela ne protège pas de l'oubli les incapables et les médiocres, bien sûr. Il règne là aussi une manière de justice qui fait qu'on peut croire que c'est bien ainsi. Et c'est bien ainsi, en effet, à condition de ne considérer la hiérarchie des valeurs que dans la cohorte serrée des dociles et de laisser de côté les épris d'idéal dont parlait sa main qui, s'étant couché là-haut, s'y sont laissés mourir. Et comme il est probable que cela même qui montre tant de promptitude a jugé sévèrement la conduite de Racine, non, ni son génie, ni, j'y insiste, sa fermeté de caractère. Essayons d'être un peu équitables, puisque l'occasion nous en est offerte, les circonstances dans lesquelles il a débuté expliquent bien des choses. D'abord, ce n'est pas lui qui s'est éloigné de Port-Royal, c'est Port-Royal qui l'a rejeté. Nous l'avons vu par la lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle de novembre 1663. Jusque-là, il se faisait sinon une joie, du moins un devoir, de rendre quelquefois visite à ses maîtres. Et à la fin de 1663, ce n'était pas tout à fait sans mérite pour un personnage aussi mal protégé que Racine. Novembre 63 n'est pas une période calme pour Port-Royal. Pascal n'est mort que d'un an, mais rappelons ce qui se passe 6 mois plus tard. Une fois de plus, le rapprochement des dates va nous édifier. Le 12 mai 1664, rappelons-le, c'est la création et l'interdiction de Tartuffe. Le 20 juin, c'est la Thébaïde. Et le 26 août, c'est la fin de Port-Royal. La dispersion des religieuses par Monseigneur de Péréfix, après l'histoire du formulaire, enfin tous ces événements que nous avons tous connus par la pièce de M. de Monterland. C'est vous dire qu'au moment où la mère Agnès de Sainte-Thècle condamnait sa porte à son neveu Racine, les choses allaient déjà fort mal. Ajoutez à cela que l'interminable procès Fouquet soulevait 1000 passions, il n'est pas difficile de comprendre que le jeune auteur, rejeté par les siens, ait cru plus sage de prendre quelque peu ses distances. Au reste, nous avons de lui-même un témoignage assez édifiant sur cette période. Il l'a inséré dans sa seconde lettre sur les hérésies imaginaires. Il y raconte une scène qui s'est déroulée précisément à cette époque, au beau milieu de la grande querelle entre l'évêque de Paris et les religieuses. C'était chez une personne qui, en ce temps-là, était fort de vos amis. Elle avait eu beaucoup d'envie d'entendre lire le Tartuffe, et l'on ne s'opposa point à sa curiosité. On vous avait dit que les jésuites étaient joués dans cette comédie. Les jésuites, au contraire, se flattaient qu'on en voulait aux jansénistes. Mais il n'importe. La compagnie était assemblée, Molière allait commencer, lorsqu'on vit arriver un homme fort échauffé qui dit tout bas à cette personne « Quoi, madame ? Vous entendrez une comédie le jour que le mystère de l'iniquité s'accomplit ? Ce jour qu'on nous ôte nos mères ?» Cette raison parut convaincante. La compagnie fut congédiée. Molière s'en retourna, bien étonné de l'empressement qu'on avait eu pour le faire venir et de celui qu'on avait pour le renvoyer. En effet, messieurs, quand vous raisonnerez de la sorte, nous n'aurons rien à répondre. Il faudra se rendre. Car de me demander, comme vous faites, si je crois la comédie une chose sainte, si je la crois propre à faire mourir le vieil homme, je dirai que non. Mais je vous dirai en même temps qu'il y a des choses qui ne sont pas saintes et qui sont pourtant innocentes. Je vous demanderai si la chasse, la musique, le plaisir de faire des sabots et quelques autres plaisirs que vous ne vous refusez pas à vous-même sont fort propres à faire mourir le vieil homme. S'il faut renoncer à tout ce qui divertit, s'il faut pleurer à toute heure. Hélas, oui, dira le mélancolique. Mais que dira le plaisant ? Il voudra qu'il lui soit permis de rire quelquefois, quand ce ne serait que d'un jésuite. Il vous prouvera, comme ont fait vos amis, que la raillerie est permise, que les pères ont ri, que Dieu même a raillé. Et vous semble-t-il que les lettres provinciales soient autre chose que des comédies ? Dites-moi, messieurs, qu'est-ce qui se passe dans les comédies ? On y joue un valet fourbe, un bourgeois avare, un marquis extravagant et tout ce qu'il y a dans le monde de plus digne de risée. J'avoue que le provincial a mieux choisi ses personnages. Il les a cherchés dans les couvents et dans la Sorbonne. Il introduit sur la scène tantôt des jacobins, tantôt des docteurs et toujours des jésuites. Combien de rôles leur fait-il jouer ? Tantôt il amène un jésuite bonhomme, tantôt un jésuite méchant et toujours un jésuite ridicule. Le monde en a ri pendant quelque temps et le plus austère janséniste aurait cru trahir la vérité que de n'en pas rire. Reconnaissez donc, monsieur, que puisque nos comédies ressemblent si fort aux vôtres, il faut bien qu'elles ne soient pas si criminelles que vous le dites. Pour les pères, c'est à vous de nous les citer. C'est à vous ou à vos amis de nous convaincre par une foule de passages que l'Église nous interdit absolument la comédie en l'état qu'elle est. Alors nous cesserons d'y aller et nous attendrons patiemment que le temps vienne de mettre les jésuites sur le théâtre. La tolérance n'était donc ni d'un côté ni de l'autre. Et cet épisode, rarement rappelé, éclaire d'un jour assez particulier l'histoire du premier Tartuffe. Ainsi, vous le voyez, la prose de Racine n'est qu'une arme de combat. Il fait carrière en vers et définit en prose son attitude personnelle. Et son attitude personnelle est en réalité plus ambiguë qu'on ne voudrait le dire. Il est clair que lié au théâtre par son goût, Enchaîné à lui par ses passions amoureuses, à l'instar de plus d'un contemporain, je parle des nôtres, il aime assez fréquenter ses interprètes. Ce n'est pas le lieu d'évoquer ses aventures dramatiques avec Mademoiselle Duparc, avec Mademoiselle Charmelet. Seuls ses vers y ont du part. Et puisque je pense, il vous est apparu clairement que ce sont les querelles du temps, et plus particulièrement la grande querelle du jansénisme qui alimentait sa verve de polémiste, regardons s'il y a lieu de lui tenir tendre rigueur dans les années qui suivent. De 1664 à 1669, la situation des religieuses de Port-Royal est dure et il ne fait pas bon se solidariser avec elles. Aussi bien, l'incident que nous avons rapporté tout à l'heure montrait-il qu'elles n'étaient pas plus tolérantes avec les autres que les autres ne l'étaient avec elles. En 1669, la paix se fait. En 1669, écrit Louis Cognet, la paix de l'Église rendit la liberté aux religieuses et ouvrit cette période brillante, en même temps mélancolique à cause de sa brièveté même, que Sainte-Beuve a si bien décrit comme l'automne de Port-Royal. Ces années verront la mère angélique de Saint-Jean atteindre l'apogée de son prestige. Par conséquent, à partir de 1664, il n'y a plus à être ni pour ni contre Port-Royal. La communauté est dispersée, dès lors la carrière se déroule normalement. En 1669, quand la communauté se reforme, la paix revenue, il y a eu Alexandre, il y a eu des plaideurs et Andromaque, et la mort de Mademoiselle Duparc, premier choc très dur pour Racine. Et si vous consultez les éphémérides, vous pourrez remarquer qu'à partir de ce moment-là, sa carrière va durer tout juste autant que la paix de Port-Royal. Quand en 1677 il abandonne le théâtre après Phèdre, parce que le roi lui confie de hautes fonctions qui ne sont pas compatibles avec la comédie, il retrouve la pratique religieuse. Car c'est bien plus elle que le jansénisme qui l'a négligé. On le voit aussitôt, les premiers mouvements de son enfance retrouvent leur jeunesse et leur vigueur, et pour lui, la pratique religieuse, c'est tout naturellement le retour à Port-Royal. Il ne se posera jamais de questions là-dessus. Dès 1678, la persécution reprend sous l'impulsion du nouvel évêque. Eh bien, jusqu'à sa mort en 1699, la fidélité de Racine ne se démentira jamais. Faut-il tant parler de faiblesse ou d'ingratitude? Il nous a laissé quelques pages d'histoire écrites au jour le jour, sans grand souci d'originalité, à peine en peut-on retenir quelques portraits assez brefs, pas trop malvenus, et qui ne sont pas toujours de première main. Le cardinal de Richelieu se fit donner la commission de chef et surintendant de la marine, parce que le duc de Guise, comme gouverneur de la province, prétendait être amiral du Levant et ne point céder à l'amiral dans la Méditerranée. Il y a même encore des ancres à la porte de l'hôtel de Guise. Le gouverneur de Bretagne a aussi des droits de naufrage, etc. Mais le cardinal de Richelieu avait ce gouvernement. Il avait des traits de folie. Un jour, Chombert dit à Villeroy au sortir de sa chambre: « Le cardinal voudrait pour 100 000 écus que nous ne l'eussions pas vu ce matin. » Il s'était fort emporté. Monsieur le comte de Soissons ne voulait point aller voir le cardinal de Richelieu parce que ce ministre, suivant l'usage de Rome, ne voulait point donner chez lui la main au prince du sang. Enfin, le comte fut obligé d'y aller. Il convient toutefois d'accepter de ce désert littéraire que fut la vie de cour de Racine jusqu'à la création d'Esther, le fameux éloge de Corneille. Mais ce n'était qu'un propos de circonstance, son vieux rival mort, il lui revenait comme académicien de faire l'éloge de son successeur, et comme le dit successeur n'était autre que le frère de Corneille, Thomas, que Racine tenait en petite estime, l'occasion était trop belle d'humilier le nouveau venu et de s'offrir une belle page à ses dépens. Il ne faut donc pas magnifier démesurément cet éloge tout académique et reconnaître simplement qu'il est bienvenu. Comme il est dans toutes les mémoires, il est inutile que nous le citions ici. Et ce n'est pas dans ces discours si habiles que vous les jugiez que nous retrouverons le profond et sincère Racine, non plus dans ces fragments historiques. C'est encore et toujours Port-Royal qui en sera l'occasion. Comparez le portrait anecdotique que nous avons rappelé tout à l'heure de Richelieu avec celui-ci par exemple. Le cardinal de Richelieu, lorsqu'il n'était qu'évêque de Luçon, avait connu à Poitiers l'abbé de Saint-Cyran, et ayant conçu pour ses grands talents et pour sa vertu l'estime que tous ceux qui le connaissaient ne pouvaient lui refuser, il ne fut pas plutôt en faveur qu'il songea à l'élever aux premières dignités de l'Église. Il le fit pressentir sur l'évêché de Bayonne qu'il lui destinait et qui était le pays de sa naissance. Mais son extrême humilité et cette espèce de sainte horreur qu'il eut toute sa vie pour les sublimes fonctions de l'épiscopat l'empêchèrent d'accepter cette offre. ce fut le premier sujet de mécontentement que ce ministre eut contre lui. Son second crime à son égard fut de passer pour n'approuver pas la doctrine que ce cardinal avait enseignée dans son catéchisme de Luçon, touchant l'attrition, formée par la seule crainte des peines, et qu'il prétendait suffire pour la justification dans le sacrement. Ce n'est pas que l'abbé de Saint-Cyran fût jamais entré dans aucune discussion sur cette matière, mais il ne laissait pas ignorer qu'il était persuadé que, sans aimer Dieu, le pécheur ne pouvait être justifié. Outre que le cardinal se piquait encore plus d'être grand théologien que grand politique, il était si dangereux de le contredire sur ce point particulier de l'attrition que le père Séguenot de l'oratoire fut mis à la Bastille pour avoir soutenu la nécessité de l'amour de Dieu dans la pénitence, et que ce fut aussi, à ce qu'on prétend, pour le même sujet que le père Caussin, confesseur du roi, fut disgracié. Mais ce qui acheva de perdre l'abbé de Saint-Cyran dans l'esprit du cardinal, ce fut une offense d'une autre nature que les deux premières, mais qui le touchait beaucoup plus au vif. On sait avec quelle chaleur ce premier ministre avait entrepris de faire casser le mariage du duc d'Orléans avec la princesse de Lorraine, sa seconde femme. Pour s'autoriser dans ce dessein et pour rassurer la conscience timorée de Louis XIII, il fit consulter l'Assemblée générale du clergé et tout ce qu'il y avait de plus célèbre théologien, tant régulier que séculier. L'Assemblée et presque tous ses théologiens, jusqu'au père Gondraine, général de l'oratoire, et jusqu'au père Vincent, supérieur des missionnaires, furent d'avis de la nullité du mariage. Mais quand on vint à l'abbé de Saint-Cyran, il ne cacha point qu'il croyait que le mariage ne pouvait être cassé. Il ne s'agit plus du portrait conventionnel tracé par un historien qui ne veut connaître que la froideur des documents officiels, qui croit que c'est dans les procès-verbaux qu'on déchiffre les âmes. Le cardinal de Richelieu est regardé ici par un partisan. Ce portrait, nous le trouvons dans un écrit posthume de Racine, l'abrégé de l'histoire de Port-Royal. La première partie n'en a été publiée qu'en 1742 et la seconde en 1767. Ses contemporains n'en ont donc rien su. Mais il n'avait rien à savoir à la lettre que Racine a écrite pour l'histoire. Depuis 1677, son attitude a été sans équivoque, prudente mais ferme. Le roi n'a jamais rien ignoré de ses sentiments intimes, et s'il a tenu à administrer à son souverain la preuve qu'on pouvait être fervent janséniste et cependant rester fidèle serviteur de la couronne, c'était peut-être le meilleur service qu'il pouvait rendre à ses amis. Au cours de ces dernières années, l'historiographe officiel de Louis XIV, qui ne traitait qu'avec ennui les hauts faits de son maître, au point qu'on pourrait se demander s'il avait véritablement les qualités d'un historien, a opté finalement pour l'histoire, je veux dire l'histoire vraie, non plus l'historiographie. Ayant connu et suivi avec la passion du fidèle les péripéties de l'abbaye de Port-Royal, il n'a pas voulu que l'histoire n'en fût informée que par les partisans et les ennemis. En portant le témoignage qu'il a laissé, il a fait véritablement œuvre d'historien. Et cet ouvrage, trop peu lu, que l'abbé d'Olivet mettait au rang de ses plus belles tragédies, justifie à lui seul le titre que Louis XIV lui avait donné. Nous en citerons un exemple pour finir. Vous y verrez avec quelle agilité d'esprit, avec quelle précision, l'auteur s'exprime quand il parle de ce qu'il connaît. Or, peu d'hommes sans doute, pas même d'Anjou peut-être, ont connu le roi Louis XIV aussi bien que Racine, qui le fréquentait si intimement et tous les jours. Écoutez comment il s'explique la haine du roi pour les jansénistes. On sait que Sa Majesté a toujours un jésuite pour confesseur. Le père Anna, qu'il a été fort longtemps, outre l'intérêt général de sa compagnie, avait encore un intérêt particulier qui l'animait contre les gens dont nous parlons. Il se piquait d'être grand théologien et grand écrivain. Il entassait volume sur volume et ne pouvait digérer de voir ses livres, malgré tous les mouvements que sa compagnie se donnait pour les faire valoir, méprisés du public et ceux de ses adversaires dans une estime générale. Tous ceux qui ont connu ce père savent qu'étant assez raisonnable dans les autres choses, il ne connaissait plus ni raison ni équité quand il était question des jansénistes. Tout ce qui approchait du roi, mais surtout les gens d'église, n'osait guère lui parler sur ce chapitre que dans les sentiments de son confesseur. Il ne se tenait point d'assemblée d'évêques où l'on ne fît des délibérations contre la prétendue nouvelle hérésie, et il comparait dans leur harangue quelques déclarations qu'on avait obtenues de Sa Majesté contre les jansénistes à tout ce que les Constantins et les Théodoses avaient fait de plus considérable pour l'Église. les papes même, excités dans leur bref, sont zèles à exterminer une secte si pernicieuse. C'était tous les jours de nouvelles accusations. On lui présentait des livres où on assurait que pendant les guerres de Paris, les ecclésiastiques de Port-Royal avaient offert au duc d'Orléans de lever et d'entretenir 12 000 hommes à leurs dépens, et qu'on en donnerait la preuve dès que Sa Majesté en voudrait être informée. On eut l'impudence d'avancer dans un de ces livres que Monsieur de Gondrin, archevêque de Sens, qu'on appelait l'un des apôtres du jansénisme, avait chargé l'épée à la main et taillé en pièces, dans une ville de son diocèse, un régiment d'Irlandais qui était au service de Sa Majesté. Tous ces ouvrages se débitaient avec privilège, et les réponses, où l'on couvrait de confusion de si ridicules calomniateurs, étaient supprimées par autorité publique, et quelquefois même brûlées par la main du bourreau. Quel moyen donc que la vérité pût parvenir aux oreilles du roi ? Le peu de gens qui auraient pu avoir assez de fermeté pour la lui dire étaient retirés de la cour, ou décriés eux-mêmes comme jansénistes. Et qui est-ce qui aurait pu être à couvert d'une pareille diffamation, puisqu'on a vu un pape, pour avoir fait écrire une lettre un peu obligeante à M. Arnaud, diffamer lui-même publiquement comme fauteur des jansénistes. Ainsi, une des premières choses à quoi Sa Majesté se crut obligée, prenant l'administration de ses affaires après la mort du cardinal Mazarin, ce fut de délivrer son état de cette prétendue secte. Il fit donner, le 13 avril 1661, un arrêt dans son conseil d'état pour faire exécuter les résolutions de l'assemblée du clergé et écrivit à tous les archevêques et évêques de France à ce qu'ils eussent à s'y conformer, avec ordre à chacun d'eux de lui rendre compte de sa soumission 2 mois après qu'ils auraient reçu sa lettre. Mais les jésuites n'eurent rien plus à cœur que de lui faire ruiner la maison de Port-Royal. Il y avait longtemps qu'il la lui représentait comme le centre et la principale école de la nouvelle hérésie. On ne se donna pas même le temps de faire examiner la foi des religieuses. Le lieutenant civil et le procureur du roi eurent ordre de s'y transporter pour en chasser toutes les pensionnaires et les postulantes, avec défense d'en plus recevoir à l'avenir. Et un commissaire du Châtelet alla faire la même chose au monastère des Champs. Témoignage difficilement récusable, auquel même aucun autre ne saurait être comparé. Cela est écrit pour soi seul, au dernier jour de la vie, et l'auteur avait bien autant d'attaches du côté de Port-Royal qu'il était bien placé pour connaître le roi. C'est le langage d'un homme qui pense, au moment de quitter ce monde, il faut tout de même qu'un jour ou l'autre, ces choses-là soient dites. Anthologie française. Ce soir, nous vous avons présenté Racine prosateur, 1639-1699. Une émission composée par Jean de Berre et réalisée par Georges Gravier, avec le concours de Marie Déa et Pascal Mazotti. Prise de son Max Mégy, assistante Denise Simansky. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 11 juillet 1962.